seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial monstre marin. Passez une bonne soirée, bienvenue pour ce nouveau Planète Rap. Alors qu'on apprend à l'instant même donc l'élimination du Portugal et du Ghana dans cette Coupe du Monde ce soir. L'Algérie, on suivra ça évidemment face à la Russie. Ce sera chez Difool entre 22h et minuit. L'autre match, Momo, ce soir aussi, ce sera Belgique-Corée du Sud à suivre tout à l'heure 22h, entre 22h et minuit chez Difool. Et là ce soir, c'est Spécial Fille, le label Monstre Marin à l'honneur toute la semaine. Spécial Fille avec Aria. Non, mais je rentre pas dans la catégorie. Non, mais à chaque fois on te présente chaque soir parce que tu es le label manager, comme on dit aux States, de ce nouveau label monté par Gims qui s'appelle Monstre Marin. Il est là, il gère, il fait son taf, hein, moi je veux le dire. Donc je voulais que tu dises un mot, mais ça y est, c'est bon en fait. Elles ont pris directement le micro. On les a reconnues, c'est bon. Une. Vita et Amalia. Vita et Amalia qui sont les deux signatures féminines pour l'instant du label. C'est ça. Bienvenue, mesdemoiselles, comment ça va? Ah, ça va super, ça va. Merci. En pleine forme, Vita, ouais. Bien. En forme. Elle a la patate. Ouais, je vois ça. Toujours, hein, tu connais. Bah, je reconnais bien la ma Vita. En pleine forme. Amalia, pareil, petite discrétion aussi, mais ça, on commence aussi à te connaître. Ouais. Amalia, vous l'avez peut-être vu à la télé, ou alors la dernière fois que tu es venue dans Planète Rap, tu me le rappelais, c'était avec Dry. Exactement. Dry qui voulait à tout prix te présenter dans son Planète Rap. C'est ça, parce qu'on a fait un titre ensemble qui s'appelle J'avance. Et depuis, belle signature donc chez les monstres. Ouais, chez les monstres marins. C'est ça, exactement. C'est quoi la rencontre? C'est qui? C'est Gims? C'est justement via Dry? C'est un mélange c'est de Gims, tout ça? En fait, c'est Gims qui m'a contacté et qui m'a dit qu'il avait l'occasion donc de monter son propre label et qu'il avait envie de m'aider à aller plus loin. Donc j'ai accepté avec grand plaisir. Et bah, très bien, donc sois la bienvenue. Vita, pareil, toi aussi, c'était Mercato, puisque t'étais chez Def Jam et tu Ouais, bon, après, c'est vrai que ça reste des labels d'Universal, donc ouais. ça s'est fait assez logiquement, mais c'est vrai que moi aussi, ça s'est fait par le biais de Muggy, parce que on bossait avec des équipes communes aussi. Et d'ailleurs, tu bosses avec des compositeurs comme Renaud, je crois que tu bosses avec Renaud, c'est ça. Voilà. Renaud, pas le chanteur. Renaud Rubio, ouais, qui est un des beatmakers de Gims, enfin, un des beatmakers principaux. Et à force de bosser avec eux et tout, ouais, j'ai fait une faute. En ces périodes de brevets, là, tu sais qu'il y en a qui ont passé le brevet. J'aime pas, moi, les fautes. Tu as raison. Je suis un bécherel. Non, j'en jamais. Et ouais, donc voilà, à force de bosser avec les mêmes compositeurs à chaque fois, Muggy me disait, ouais, mais tu faut que tu ailles plus loin. Et puis ça s'est fait comme ça, la signature. Enfin, voilà, au fur et à mesure, Muggy est derrière tout ça. Moi, tu es heureuse chez les monstres aussi, tout se passe bien. Ouais, ça se passe super bien. J'ai plein de choses à raconter, mais en tout cas, on est sur plein de nouveaux titres et il s'est passé plein de trucs, donc c'est cool. Bon, on va en parler. Hier soir, vous n'étiez pas là, les filles. Vous avez loupé une grande soirée. Ambiance, ah bah, il y avait une sacrée ambiance. C'était chaud hier. Hier soir, non, en fait, il y a eu le concours Monstre Marin. Il y a eu un grand concours qui a été lancé. Il y a 2000 participants. Il y en avait 5 finalistes hier soir. Et on va bientôt savoir le grand gagnant la semaine prochaine. Mmh. Entre les 5 qui sont passés. On est en train de sélectionner. C'est en train de sélectionner entre. Ils t'ont même pas fait écouter. Ils te demandent même pas. Non, là, ça, je ne suis pas au courant. Ce n'est pas normal. C'est interlabel. Bon, on va se rappeler la soirée d'hier soir. Comme vous n'étiez pas là, peut-être que vous avez écouté, mais en tout cas, ça donnait ça l'ambiance. Moi, j'ai entendu la fin, ouais. De Planète Rap. Bienvenue à vous tous, ça va bien l'Algérie en pleine forme? Très bien, ouais, impeccable. Prêt, tout est prêt pour ce soir. D'ailleurs, tu peux nous renseigner sur le 9e, puisqu'il fait référence justement à une rue précise dans Exactement. Ce morceau. Exactement. Je n'ai juste plus le time de me poser ou la jambe à y. En fait, cette rue-là, c'est une rue mythique, si tu veux, des freestyles de section d'assaut. Et à chaque fois dans le quartier qu'il y avait un groupe ou une personne qui voulait freestyler dans une rue, bah, ça se passait dans cette rue. Qui passe par cette rue. Qui est la rue? La rue de la Jean Bailly. On est promis le morceau Gamberge. Ouais, Gamberge. Alors, un gros titre à écouter. Il faut que les jeunes, ils écoutent ce titre-là. C'est un message très, très, très fort. Attends-toi à tout, la rue va t'éprouver. Ça commence par le gay, ça finit par donner des go. Pour récupérer un terrain, tu fumes ton amigo. Rien n'était, j'assiste à son enterrement. Ils étaient 2000 au début, ils ne sont plus que 5 dans le studio. Et là, réveille-toi, et laisse tomber cette fille-là. Oui, crois-moi, oublie-la, dis-toi que Serin est là. Je ne suis pas un trouble fat, mais j'avoue que là, je m'inquiète. Si j'ai bien saisi, c'est pour Bella que ton cœur perd la tête. Allez, c'est parti, session live avec Bash du 38 de Grenoble maintenant. T'as même pas démarré que j'ai passé tous les rapports. T'as pas de connexion, y'a pas de calotte, sans apport. Je suis là pour te niquer, SES en pitié. Je vais pas faire la course avec une moto bridée. Éteignez les briquets, car je mets le faillard. Personne n'est imbattable, regardez le faillard. Sony au micro maintenant. Laisse-nous faire, laisse-toi aller. Continue à inhaler. Ton délai va expirer. Bientôt je te ramasse au balai. Polygame que des tarés. Fais-les, que des plots décalés. 1-3-0-9-0 dans ta bouche, ton cul, ton palais. Le projet va arriver. Les mecs va falloir poser ta. Je te vois avec l'œil du cyclope, même caché dans une vallée.

où je te parle. Je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. Make you wanna know deny. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time de me poser où la jambe baillit. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. Voilà, c'est extrait de la Monster Party qui sortira la semaine prochaine, le 30 juin dans les bacs, où vous retrouverez évidemment donc ce morceau, Marine Monster. Ce morceau, quand tu l'entends une fois, c'est fini toute la journée. C'est un peu comme celui que t'avais fait avec Gims d'ailleurs. Ouais. C'est un peu la même chose en fait. Il a un truc avec ses mélos, ce mec. Fort, hein. Ouais. Le Marine Monster à l'instant. Le 30 juin prochain. Le 30 juin et toute cette semaine, l'album à moins de 8 euros sur iTunes. Donc allez cliquer, vous retrouverez dessus aussi Amalia et Vita qui sont. Ouais, qui des sont... gros titres sur la compil. La compil tue, hein, vraiment. Et voilà quoi. Donc moi, je suis ravie d'être dessus avec un nouveau titre aussi que je vais sûrement vous faire en live ce soir, peut-être version acoustique. Sur le dance floor. Ouais. D'accord, petite version acoustique. Et bon, on l'écoutera tout à l'heure en acoustique. On va aussi l'écouter là dans un instant version album. Avec plaisir. Et Amalia aussi qui est présente donc avec un morceau. Ça c'est quoi? C'est aussi un extrait. C'était quoi? C'est un morceau que tu bossais sur un album et que t'as filé pour la compile. C'était un morceau... Non du tout. C'est le single en fait. C'est le single. C'est le premier titre que je fais avec MMC et donc qui doit déboucher sur la suite, donc sur l'album, etc. Vous connaissez un petit peu toutes les deux, Amalia et Vita? Ouais, mais on s'est croisés 2-3 fois en studio. Voilà. Bon, maintenant, on est sur le même label et tout, mais c'est vrai que moi, je connais un peu son univers et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Tu l'avais vu à la télé? Non. Je regarde pas du tout les émissions. The Voice, c'est dans The Voice. The Voice, c'est dans The Voice. Non, mais je suis pas du tout. Mais je préfère qu'elle me connaisse d'autres choses que The Voice. C'est très bien. Moi, je la connais parce que moi, je suis beaucoup en studio. Je regarde pas la télé, j'écoute peu la radio. Et en studio, j'écoute toujours les morceaux des. J'écoute souvent Skyrock. À part Skyrock. Premier sur Skyrock. Bien. Mais. On a eu chaud. Mais non, franchement, moi, à chaque fois que, par exemple, je suis chez Renaud, le beatmaker, et ben, à chaque fois, il bossait sur des morceaux, j'écoutais toujours par curiosité, tu vois, et j'aime beaucoup son univers, donc c'est une artiste très talentueuse, elle a une très belle voix. Bon, tiens, sans pour autant renier justement The Voice, ça c'était Amalia dans The Voice à la télé, ça donnait ça, écoute. Ah, y a du coffre, hein. Ça chante, hein. Mmh, ça chante. Mais pourquoi tu dis renier The Voice? C'est bien. Non, The Voice. Je dis non, c'est clair. C'est voilà, non, mais c'est. Mais peut-être que c'est. Voilà, après, il y a un moment, c'est vrai qu'il faut savoir se détacher. C'est le moment le plus compliqué de pas être tout le temps relié. C'est pas faux. C'est vrai que c'est bien d'exister aussi en tant qu'artiste à part entière et pas toujours être relié à une émission. C'est vrai que c'est le plus difficile. Deux fois de suite. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Donc Fred vient de renverser son coca. Voilà. Deux fois de suite, Momo. C'est peut-être un signe. Sur la console. C'est peut-être les Fennecs qui me parlent pour ce soir. C'est peut-être un 2-0 ce soir, regarde. Parce qu'en fait, ça penche de ton côté, Momo. Je sais pas ce qu'il y a. Non, parce que Momo, il dit que Fred, c'est un chat noir, que quand il rentre, l'Algérie, ils prennent des buts à chaque fois. Donc tu vois, ça se trouve là, c'est peut-être un bon signe pour toi, Momo. Ça penche de ton côté. Ça peut aussi dire qu'ils vont se prendre deux buts. Qui n'est pas pour l'Algérie. J'ai pas un côté russe quand même. Naturellement. Plus un côté algérien kabyle même d'ailleurs. Azoul à tous les kabyles avec lui. Je vous rappelle que je fais Rail Suprême le dimanche soir depuis plusieurs années quand même. Ça marque. Bon, revenons donc sur Amalia. Et puis oui, cette façon, après évidemment, c'est aussi un bon coup de pouce, ces genres d'émissions. Et puis celle-ci en plus, The Voice, c'est pas la plus dégueulasse qui existe. Moi je trouve que c'est qualitative. Ouais, voilà, c'est ça en télé. T'as généralement des super voix. Enfin, t'as un vrai challenge, t'as un vrai truc. Non, c'est clair en plus. J'ai vécu une super aventure. Je suis allée loin, je suis arrivée jusqu'en demi-finale, première saison, donc saison emblématique. C'était non, franchement, je peux pas me plaindre quoi. Maintenant, on en arrive au stade où c'est derrière moi. Enfin, ça fait partie de moi, mais c'est derrière moi. Je veux bien exister par moi-même, sans pour autant toujours être reliée à l'émission que j'ai faite. Bah, c'est ce que tu fais. En plus, t'as signé avec Monstre Marin, avec un morceau qu'on découvrira aussi, qui nous fera peut-être en live d'ailleurs dans quelques minutes. Exactement. On pourra le découvrir. Là, on met le sur le dance floor. Donc sur dance floor, juste pour la petite histoire. Alors, petite histoire, Vita. Donc, ça fait partie des nouveaux titres que j'ai fait récemment. Moi, je suis rentrée en studio en fait à la base dans le but de faire une réédition de mon album Ici et Maintenant. Et en fait, j'ai été tellement inspirée avec les compositeurs avec qui j'ai bossé. Je fais un big up à Stan E-Music au passage, qui est super talentueux, que tu dois connaître aussi, Amalia. Ouais, tout à fait. À Renaud aussi. Et voilà, et je me suis retrouvée avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 titres qui tuent. Et je me suis dit, on a de la matière, donc on va sûrement avancer sur un nouvel album. l'album. En tout cas, il y a un premier extrait qui arrive à la rentrée très bientôt. Et voilà. Et sur le dance floor, on le retrouvera sur l'album aussi. C'est un extrait de la compile et qu'on retrouvera aussi sur mon prochain album. Et l'album, la date? L'album, on va voir fin d'année, j'espère. En tout cas, premier extrait à la rentrée. Et voilà. C'est vraiment, je suis allée dans des univers où je m'étais pas encore j'avais pas osé aller, je me suis lâchée, je suis vraiment partie dans des prods assez folles. Et sur le dance floor, c'est un exemple un peu d'un morceau, on va dire pop urbaine club, que j'osais pas faire avant. Et Muggy me dit souvent, mais vas-y, tu peux tout faire et tout, tu te cantonnes trop dans un truc R&B alors que t'es capable de faire des trucs plus larges. Et j'ai osé en fait sur les nouveaux titres, donc voilà, c'est un premier extrait. Et bon, l'écoute maintenant, c'est extrait aussi de cette compile qui sort, qui présente le label justement, la Monster Party, et qui sort le 30 juin. Yeah. Vita sur Skyrock. Elle a passé des heures devant son miroir, sorti ses plus beaux côtés du tiroir. Une robe à ce qu'un pour capter le meilleur. Elle en a quelques-uns ce soir dans son viseur. Jusqu'au bout de la nuit, faut qu'elle envoie du rêve. C'est Amalia qui s'est fait griller. Je me disais, je voyais rien sortir de la bouche de Vita. Non, c'est toi. T'as vu? Sur le dance floor à l'instant. Donc ouais, la nouvelle expérience. Mais t'avais tenté quand même un peu des sons à une époque, un peu comme ça électro. Je me souviens, il y avait même un clip. Il y en clip, avait un sur mon deuxième album. Ouais, c'était ça. Mais bon, il est divisé 8 minutes ou 7 minutes. C'est une prod de Tyran, je me rappelle. Le morceau était fou, mais bon, c'était pas. Enfin, c'était un morceau qui tuait, mais c'était un morceau d'album. Et non, je pense que Game Over, ça a été quand même le titre peut-être le plus expérimental pour moi. Et en fait, je l'ai tellement descendu sur scène, là. Ça fait 8 mois que j'enchaîne des showcases. J'ai fait des clubs, des plateaux radio, des concerts, plein de trucs. Et franchement, c'est un tel kiff de faire des morceaux dynamiques sur scène avec les gens. Et bon, après Game Over, les gens le connaissent par cœur, donc c'est un kiff. Mais j'avais envie de, voilà, de, d'expérimenter des choses où avant je me disais peut-être, ouais, non, les gens n'ont pas envie de m'entendre comme ça. Tu vois, maintenant je me prends plus la tête et je fais de la musique, quoi. Tu fais de la musique. Yes. Donc l'album, ce sera, alors peut-être pas forcément que cette couleur, mais. Non, il y a plein de choses. Il y a des grosses balades, on est en train de travailler dessus aussi, mais il y a plein de choses. Je pense que vraiment, c'est peut-être un des albums les plus surprenants que j'ai pu faire. Très bien, on pourra découvrir ça d'ici la fin de l'année 2014. Ouais, exactement. Amalia est là aussi, on va passer ton morceau. Tu vas même chanter dessus dans quelques minutes, si tu veux bien. Exactement. Tu veux dire un mot sur le morceau qu'on va écouter maintenant? Pour moi, c'est une sacrée expérience parce que je m'étais jamais essayé déjà à chanter en français. Donc c'est vraiment voilà, mais j'ai bossé avec des super personnes. J'ai pu écrire les textes avec François Velgreen, qui m'a aidé à dépasser l'espèce d'appréhension que j'avais d'écrire en français. Et je suis très contente du résultat. Et en plus, la prod a été faite par Scalp. Mmh. Donc, j'ai adoré le bosser avec lui. Le talentueux Scalp. Exactement. Qu'on salue. J'adore ce morceau. Donc, je suis déjà très, très contente d'avoir réussi à avoir. Mais t'écrivais, toi, quand même, en français ou... Jamais, c'est la première fois. T'étais bloqué, pas bloqué, mais t'avais pas une inspiration ou... Non, c'est parce que. J'ai grandi avec de la soul dans les oreilles et c'est un peu compliqué. Ça s'entend. Voilà. Donc du coup, mais je suis tout doucement, je me réconcilie avec l'écriture en français et enfin j'ai remis le pied à l'étrier. Et franchement, c'est super agréable, quoi. Bon, on va le découvrir dans un instant. Ce morceau, il est sur la Monster Party. Qu'est-ce qu'il y a, Aria? Attention, Aria, je sens que tu veux nous dire quelque chose. Casquette Vortex à gagner. Et d'ailleurs, une petite question aussi à poser. Ah, mais je l'ai perdu. Donc je vais retrouver les questions. Tu l'as trouvé un peu, ta question? Mais non, mais parce que j'ai foutu tellement de bordel. La question, c'était quel artiste on a fait découvrir lundi Planète Rap? La signature? La signature. La nouvelle signature. Qu'on l'a posé, la nouvelle signature du label. Celle-là, on l'avait pas fait déjà. J'ai l'impression que c'est. On l'avait déjà fait celle-là. Ah, on l'a déjà fait celle-ci. Sans brouille. Bon, alors, non. Bon, les yeux, c'est pas votre truc. On en a une autre, franchement, une autre question. Ouais, vas-y, Fred. Qui est en train d'être là, en train d'être façonnée en ce moment. Je peux vous dire qu'il y a des formes. Ne loupez pas la question. En tout cas, dans un instant. Casquette toute la semaine, Vortex à gagner. Bon, un peu simple, si on a transmis une dans l'oreille. Non, on va en trouver une plus forte. Plus forte encore. Ne bougez pas dans un instant. Grosse question pour repartir avec des casquettes Vortex. Extrait de la Monster Party qui sort le 30 juin avec Amalia. Bougez pas, le retour de Planète Rap, c'est juste après ça. Toi, monstre marin, a choisi Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Le label Monstre Marin à l'honneur avec ce soir la soirée spéciale fille avec Vita, avec Amalia qui sont là avec nous. On va pas lancer le morceau d'Amalia à la fin du compte. Yes. Dans un instant, juste avant la petite question pour repartir avec des casquettes Vortex. Alors. Ah. Tu veux la poser, Vita ou... Moi, je la connais pas. Hier soir, on a fait une soirée. Ouais. Avec. Non, c'est ça la question. Bah oui. Non, mais la question, c'est combien y avait-il de finalistes sur les 2000 participants au concours? Simple. Moi, je demande même pas les noms. Tu l'as dit avant dans l'émission. Ah oui. Voilà. Donc envoyez. Non, j'ai fait ça. Bah oui, mais tu crois qu'il y a pas des vidéos au film? Non, mais ça, c'est pas ça. Les non, on est filmé. Hein, je sais. Bon, en même temps, voilà, un indice a été balancé par Aria. Bon, ajoutez plus un. C'est parti. 41759 ou alors avec le hashtag Monstre Marin sur Skyrock. Qu'est-ce qu'il y a, Vita? Tu veux ajouter? Ouais, non, moi je voulais réagir sur le fait qu'on est voisins en fait maintenant. Avec la boutique Vortex. Ah bah. Bien vu. Je suis souvent dans le quartier, donc je voulais le dire. Bah c'est sympa, tu viens jamais nous voir. Ouais, bah je viens quand je suis invité, tu sais. Hein, d'accord, sinon tu forces pas la porte. Ouais, moi il me faut des invitations. D'accord, donc c'est vrai, la boutique est juste la rue derrière. Voilà, on est à une rue, donc je pense souvent à vous. Et en tout cas, moi je voulais juste dire qu'on a fait une ouverture de malade sur la boutique. J'ai vu les images, vous êtes tout bloqué dans le bas. Moi je suis partie, j'ai eu peur. C'est une folie le truc. Vous êtes tout bloqué. On a bloqué. Bon, il faut expliquer qu'on est dans un quartier ici, un quartier parisien, typiquement parisien, c'est-à-dire le centre de Paris. Donc c'est des petites rues. Ouais, piétonnes. Rues piétonnes et là c'était la rue blindée. Quoi. T'es venu Fred, toi? Non, pas venu. Je suis passé devant, j'ai envoyé Momo. Momo, ouais. Vous savez comment il est quand c'est la galère, il t'envoie toi. Par contre, je suis passé après et je tenais d'ailleurs à remercier, comment il s'appelle? Karim. On le fait un big up parce que je crois qu'il écoute. Et ben une grosse dédicace à Karim qui m'a mis bien avec une superbe casquette Vortex en passant là un soir. Je passais pour découvrir la boutique. Voilà, mais j'invite en tout cas tous ceux qui sont pas encore passés à y aller. Et plus, voilà, c'est les soldes en ce moment. Ouais, c'est les, c'est vrai. Mais non, mais en tout cas, moi, je suis super contente. Bah, rappelons l'adresse, c'est rue Ticton. Ouais, j'ai pas le numéro. 9 rue Ticton, juste à côté de Sky. Et comme ça, si vous, vous passez à Skyrock. Vous faites une pierre deux coups. Voilà, exactement. Vous passez à Skyrock, vous venez nous voir, vous passez à Vortex et vous passez à Skyrock. Ouais, yes. C'est simple. Allez-y, donc 9 rue Ticton. Il y a une collection, tiens, Vita, toi qui t'y connais justement en fringues et tout. Qu'est-ce qu'il faut suivre? Il y a une nouvelle collection qui arrive. De Vortex? Ouais. Alors écoute, ouais, il y a la nouvelle collection qui arrive, qui est une dinguerie. Et surtout, on va faire, pour les mamans, surtout si ça vous concerne, on va faire l'enfant à la rentrée. Et franchement, j'ai regardé, enfin, j'ai un peu participé au choix des modèles et tout. Il y a des trucs trop mignons. Ouais, j'ai essayé sur mon fils. Et non, c'est trop chou. Et donc, et puis plein d'autres choses aussi à venir l'année prochaine. Mais vu que c'est pas encore, enfin, je peux pas encore en parler. Mais en tout cas, ça va s'élargir et la collection tue. Et voilà, il y a plein de choses à venir. Donc, big up à tous ceux qui sont dans le Vortex. Voilà, et puis en attendant, donc, pour repartir avec des casquettes, vous balancez la réponse à la question. Ils étaient 2000 au début. Combien de finalistes étaient dans le studio hier soir? Vous envoyez le nombre au 41-759. Amalia, tu es prête maintenant? Oui. La fin du compte? Exactement. Allez, c'est parti. C'est extrait de la Monster Party qui sort le 30 juin. J'ai balayé, croqué ses souvenirs, claqué la porte bleue de ton empire. J'ai effacé tes marques sur ma peau, écoulé nos carrosses dans la scie. Je laisserai plus près de toi pour faire de moi une belle endormie. Écoute un peu mon beau miroir, il se souvient de ce que tu as dit. Pour le départ, je reprends les rênes de mon histoire. J'y ai cru moi aussi, mais je reprends les rênes de mon histoire. Dommage pour les contes de paix, je n'ai faire mieux. Non, non, non, non, non. Non, non, non, non. Non, non, non, non. Amalia à l'instant. Bravo Amalia. Merci. La fin du compte, c'est ce qu'on écoutait en live. Elle a une voix de fou. Hein. Moi, c'est elle est gentille. Hein. Non, non, moi, franchement, je suis juste super difficile, justement. Et je trouve qu'elle a un truc, elle a Adèle et tout. On a déjà eu de le dire, tu vois. Ouais, mais c'est vrai. Et c'est rare en France, les voix. On l'a dit. C'est très beau et magnifique, moi j'adore. Merci. Bon, peut-être une rencontre par la suite, Amalia, Vita, oui, peut-être une connexion. Ouais. Dans les mois, dans les semaines à venir, dans les années à venir, en tout cas. Exactement. Bon, bah, on attendra ton projet. Toi aussi, t'as forcément pas de date en tête tout de suite. Exactement, mais je pense que ce sera à peu près au même moment que Vita, la fin de l'année. On suivra ça. Exact. La fin du compte, c'est ce qu'on écoute à l'instant sur Skyrock. Il y a quelques minutes, je posais une question. Hier soir, on a fait un Planet Rap avec les finalistes du concours Monstre Marin. Au début, c'était 2000. Hier soir, combien étaient-ils dans le studio, Stéphane de Reims? Comment ça va? Ça va tranquille, et toi? Eh bah, ben, écoute, en pleine forme. Tu as la bonne réponse? Ouais, il y avait 5 finalistes. Très bien. Parfait, Stéphane. Il y a Casquette Vortex, il y a album dédicacé de Monster Party qui sortira le 30 juin. C'est pour toi. Ah, nickel, nickel, merci à tous. Tu es refait. Tu as une petite dédicace, petite question, envie de dire un truc aux filles, à Vita, à Malia qui sont là? Bah, franchement, continuez ce que vous faites. Moi, perso, je kiffe. Merci beaucoup. Merci. Merci, Stéphane. Merci à vous. Passe une bonne soirée, Stéphane. Et là, on va passer tout de suite au freestyle par téléphone. On enchaîne avec Marocco 26 de Valence sur Skyrock. C'est parti. Salut, ça va? Ça va bien et toi? Ça va, tranquille, hein, les vacances. Ah, ça y est, t'es en vacances? Ouais, ça y est, on attend les résultats du bac, là. Ouais. C'est pour quand, toi, les résultats, là, bientôt, là, la semaine prochaine? Ouais, c'est pour le 4, hein. Ouais, c'est ouais. Vendredi prochain. Bah écoute, on croise les doigts, Marocco. Ouais. Tu es prêt à faire un petit freestyle par téléphone, même un gros? On t'écoute. Ok, ouais, je suis prêt, je vais faire ça a cappella pour une fois. Et ben, on t'écoute a cappella. Ok. C'est parti. Yeah, ça fait. C'est le M, tu me reconnais, BDK crew. Yeah, tu croyais quoi? Pas le nick quand ça kick man, kick fall, BDK l'équipe, man en freestyle. J'ai les crocs, j'ai la niaque, je suis loco, fini de glousser. À l'ammoniaque sont mes couplets, poussés. Vous, Marocco, rendez-vous, belle à toi, voilà les loups. Vos éternos vies sont crades depuis tu peux, on prend les coups. Tu veux de la technique, j'ai la clé de sol. Teste ma clique, tu finiras peut-être mort. T'en veux encore, vas-y, reste dans le décor. Le rap m'a jeté son sort, j'attends juste l'ascenseur pour proposer ma chanson. Je rappe pour mes Congolais, Français, Sénégalais. C'est le M, tu me reconnais ou pas? Si t'es pas bas, t'écoutes pas, t'inquiète, c'est pas la chemin. Hey, j'ai la bas. Qui t'a dit pour qui que ça me fallait venir Paname? Je varie le flow, je passe du héros hardcore. Je vais remplir le passeport et puis rentrer le pactole. Depuis petit peu j'ai pas de bol, laser à peau de colle. Triste est mon époque, j'ai pas changé le fusil d'épaule. Je sais quel est mon rôle, j'ai que la mif et les potes. Laser et les potes, désolé la fin est censée. Marocco c'est WAM, c'est le savoir à tout le rap français. On est kamikami passe dans le mic, on est all. Kamikaze animal pour le rap. Tu le fais le M, toi-même tu sais qu'on fait le pas. Fais le savoir si t'as kiffé, kiffé. Fais le savoir. Voir si t'as kiffé, c'est le M, tu me reconnais. Ok, Marocco 26 de Valence, bien à cappella en plus, bravo à toi. Bah merci, hein, bien merci. Joué. Bah écoute, passe de bonnes merci vacances, courage pour les résultats dans une semaine. Ouais, et je voulais faire aussi une grosse dédicace à tout mon groupe de rap. Et aussi au poteau qui rap aussi, Airline. Et à toute mon équipe, et vous pouvez me trouver sur ma page Facebook, Marocco 26, la page Facebook, faut aller voir ce qu'on fait, nanani, nanana, tu vois. Et bon, on va les cliquer dessus, on va les cliquer dessus. Tu devrais le rajouter dans un de tes freestyles. Ouais, ça pourrait même être un très beau morceau, nanani, nanana. Écoute, mets-le de côté, Marocco. Merci à vous en tout cas. Ciao Marocco, à plus, bonne soirée. Allez, ciao, merci. Sur Skyrock, entre 20 et 21, vous le savez les filles, il y a un nouvel arrivant dans l'équipe de Monstre Marin. On l'a annoncé lundi, yes, dans Planète Rap, Mac Tailleur qui a débarqué. Bah, toi tu connais depuis longtemps aussi. Gros big up, moi je connais bien ce qu'il a fait et vraiment c'est un grand rappeur. Donc je pense que ça va apporter un truc supplémentaire au label parce qu'il manquait quelqu'un peut-être un peu plus thug, très urbain. Et c'est vrai que Socrate c'est ce qu'il fait quoi, donc... Moi j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Et bah là on a déjà un premier morceau qui s'appelle Tous Paye. Toi tu connais un peu justement Mac Tailleur, le parcours. T'es un peu rap français ou pas du tout, Amalia? Je découvre. Tu découvres, ouais. Ouais, je découvre. Bah écoute, Mac Tailleur a fait partie donc d'un groupe qui s'appelait Tandem. Sorti le premier album solo, je crois que c'était en 2005. Et puis là il va sortir aussi un projet donc chez Monstre Marin. Et il nous a balancé en exclu son tout premier morceau lundi. Tous Paye, c'est ce qu'on écoute maintenant dans Planète Rap. Fuck le rap game, El General et Chico, ça vient d'Auvers, yeah. Tout se paye, allez dire à vos rappeurs qu'aujourd'hui tout se paye, allez dire à mes détracteurs qu'aujourd'hui tout se paye. J'ai marché sur mon cœur et je trouve que c'est mieux comme ça. Pas d'attache, pas moi, que de cash, violent comme un refroid de calage. Nickel descend chez moi, j'ai pas le temps de dire qui va là. C'est la merde, elle est dans la deux portes. Tout le monde atteint jusqu'à la mama. Malade, malade, son commence à brailler sa lame. C'est trop la garde dans ma tête pour vous passer le salam. Autant plus triste que des cadavres sous les sabots de mon cheval. Je suis comme l'apocalypse, y'a plus âme qui vit derrière moi. Tout se paye, tout se paye, tout se paye. Allez dire à vos rappeurs qu'aujourd'hui tout se paye. Tout se paye, tout se paye, tout se paye. Allez dire à mes détracteurs qu'aujourd'hui tout se paye. Malade, malade, malade, malade. C'est trop la guerre dans ma tête pour vous passer le salam. Malade, malade, malade, malade. C'est trop la guerre dans ma tête pour vous passer le salam. Au quartier ça craint, mais je n'aime pas dramatiser. Je n'aime que traumatiser, voilà, et encore pire que la PST. Toujours une envie d'acheter, cette peur qui vient du continent. Moi j'ai la racaille, ambition, on va la pique dans tous les bâtiments. Patrouille, craque, quadru, OD, guetteur en stun. Difficile de faire son genre, surtout si tu n'as pas de gueule. Si tu n'as pas les connexions, tu n'as pas les couilles de faire les choses. Y'a trop de voyous de studio qui s'amusent à faire les shows. Qui s'amusent à désorienter le petit frère du ghetto. Nous on investit au double, l'Amérique c'est pour les autres. Malade, malade, malade, malade. C'est trop la guerre dans ma tête pour vous passer le salam. Malade, malade, malade, malade. C'est trop la guerre dans ma tête pour vous passer le salam. Tout se paye à l'instant. Le morceau sera en vente en même temps que la Monster Party dès le 30 juin. Le morceau est lourd, hein, j'avais pas écouté. Ah, il a posé. Hein. Bon, Amalia, ça te plaît quand même le rap français, ça te va, Mac Taylor? Ah non, mais moi j'aime beaucoup. Hein. C'est un bon collègue de label, ça va? Ouais, ouais, non, mais j'avais écouté le titre. J'avais écouté le titre et effectivement, comme dit Vita, c'est vrai que c'est un autre style, ça apporte autre chose. Au sein du label, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Préparation de son album pour début d'année prochaine. 2015, c'est ce qu'il nous disait plutôt février. Mais toute l'année, on va balancer de la sauce, de la sauce, de la sauce. Très bien, le label Monstre Marin est lancé, c'est cette semaine sur Skyrock entre 20 et 21. Est-ce que Vita, tu nous chanterais pas quelques... Tu nous as promis sur le dance floor version, ouais, acoustique. Version acoustique, je suis venue avec Franck, mon guitariste, et on aimerait bien faire une petite version spéciale que j'ai balancée sur mes réseaux récemment pour remercier tous les gens qui me suivent parce qu'on est arrivé à plus d'un million sur mon Facebook et je voulais faire un gros big up à tous les gens qui me suivent et qui me soutiennent. Et j'ai vu que vous aviez kiffé cette version, donc je vais faire un petit bout de cette version ce soir. Allons-y. T'as écouté Fraise ce que j'ai dit? J'ai écouté. Non, je sais quand t'écoutes pas. Ah bah non, c'est, tu as expliqué que tu l'avais balancé. Tu veux que je te répète, tu l'as balancé sur les réseaux sociaux et les gens ont apprécié. Mais pourquoi je l'ai balancé? On va voilà, t'écouter on maintenant. On va le faire en live. Pour les 1 million du feu. Oui, pour, merci, Momo, voilà, pour les 1 million de la page Facebook. Ouais. Vous les défis. Heureusement que Momo est là. Hein. Oh, bah pour une fois, je t'en remercie pour une fois qu'il suit quelque chose. Donc pour les 1 million, tu vas faire ça. Ouais. Et là, tu vas l'offrir maintenant encore à une grosse audience à l'écoute. C'est ça. Yes. Prêt? On est prêt. Elle a passé des heures devant son miroir, sorti ses plus beaux colliers du tiroir. Une robe à sequin pour capter le meilleur. Elle en a quelques-uns ce soir dans son viseur. Jusqu'au bout de la nuit, faut qu'elle envoie du rêve. Jusqu'au bout de sa vie, elle dansera son rêve. Jusqu'au père de le nord. Elle veut prier, prier. Elle veut prier sur le dance floor. Prier, prier. Jusqu'au père de le nord. Elle veut prier, prier. C'est pour oublier sur le dance floor. Prier, prier. Jusqu'au père de le nord. Elle veut prier, prier. Elle veut briller sur le dance floor. Prier, prier. Jusqu'au père de le nord. Elle s'immerger dans ce monde, on peut savoir ce qu'elle fait. sais pas qui elle est. Jusqu'au bout de la nuit, faut qu'elle envoie du rêve. Jusqu'au bout de sa vie, elle dansera son rêve. Elle rêve, elle veut briller sur le dance floor. Briller, briller, jusqu'en perdre le nord. Elle veut briller, briller, elle veut briller sur le dance floor. Briller, briller, et jusqu'en perdre le nord. Merci Amalia. Et ben voilà. Big up. Elle m'a fait les cœurs, ça tue. Merci. Il est là le premier duo, première rencontre entre vous deux. Franchement, moi j'aimerais beaucoup qu'on fasse un truc ensemble. À l'avenir, on va. Bon, Aria, faut qu'on parle là parce que. Comment te dire? Boucon studio. Voilà, bah, exactement. Pas de problème. Si je me fais agresser, t'as vu? C'est bien, c'est bien. Ouais, mettez-lui c'est... la pression, Aria. Allez-y, allez-y, on continue. T'inquiète, rien. On s'en t'inquiète, charme. Il l'a. Ah, t'inquiète. Je reçois régulièrement des mails. Bon, Amalia avec nous, avec Vita aussi. On écoutait donc sur le dance floor version acoustique qui a été donnée à l'instant. Et puis on salue donc les le million. Yes, ouais, tu te rattrapes. Le million de personnes qui ont rejoint la page de Vita. Je voulais dire un truc aussi. Ouais. En fait, là, pour l'été, parce que c'est vrai que je voulais rester au contact un peu de tout le monde, j'ai balancé des petites photos hier, mais on a eu une idée et j'ai enregistré. Enfin, on a fait un espèce de web de. On a fait une espèce de on a monté des web épisodes en fait, on a monté un espèce de petit conducteur avec plein de modules vidéo qui vont vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé cette année. Enfin, il y a plein d'images que j'ai filmées et on va balancer ça sur les réseaux là très bientôt. Ça va se passer sous forme de plein de petits épisodes tout au long de l'été et je voulais juste dire aux gens, soyez très attentifs sur les réseaux parce qu'il y a plein de surprises à l'intérieur et vous allez tout savoir, vous allez apprendre des trucs de ouf. Donc voilà. J'ai tout compris, j'ai tout écouté. C'est vrai? Ouais. Alors vas-y. Bah, il faut bien guetter les réseaux sociaux de Vita. Il y a plein de vidéos qui arrivent. Plein de petits moments, plein de petites histoires à suivre. Voilà. Amalia aussi, des choses à annoncer? Petite web série, un petit truc en particulier? Non, mais par contre, je vais faire la première partie du Voice Tour, donc des concerts de Voice, samedi, là, donc le 28. Au Palais des Sports, je fais la première partie où je vais chanter donc en live la fin du compte entre autres et le 2 juillet à Rouen. Et bah allez soutenir Amalia donc sur The Voice Tour. Merci. Ils amènent les sièges qui tournent et tout ou pas, tu sais pas? Sur The Voice Tour, il y a tout le monde. Je suis pas sûre, ça doit coûter très cher. Donc à suivre la première partie, donc là c'est Palais des Sports à Paris et le 2 juillet du côté de Rouen. Avant de se quitter, on finit avec un dernier morceau de la Monster Party. C'est ça. Ça va aller. Et ça va aller le 30 juin dans les bacs. Aria, il a un seul truc, hein. 30 juin dans les bacs, ouais. pour moins de. Là, cette semaine, pour moins de 8 euros. Bah, après, on va passer au tarif normal. Hein. Là, c'est le moment jamais de précommander tout de suite, aller cliquer pour récupérer l'album de la Monster Party. Allez, on écoute le morceau. Ça va aller. Nouveau millénaire, l'époque est folle. Dur de garder la tête sur les épaules. Ce monde me fait peur donc je m'isole. J'ai pas compté combien de fois j'ai touché le sol. Où sont passés mes rêves d'enfant? J'ai grandi trop vite ma chère maman. Papa m'a dit de prendre mon temps. Aujourd'hui je raconte mes regrets en chantant. J'avais rien à bout du monde, plaqué menotté. J'ai cru que le bonheur c'était de courir après le blé. Oui, les études abrégées, j'ai beaucoup d'acné. Je parle plus aux filles, je suis trop complexé. Je me demande. J'ai pas compris, faudrait m'expliquer. Je me demande. Je me sens pas beau, je me sens détesté. Petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Écoute-moi, petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. J'taillais les courges, découpais des plaques. J'traîne avec mes potes au blamber asiatique et black. Assis contre un mur, j'fume ma première cigarette. Petit déjà, j'ai compris que le quartier n'était pas net. Juste en bas chez moi, je vois les grands qui bicravent. On a la PlayStation et la télé dans la cave. On freestyle jusqu'à pas d'heure quand j'découvre le rap. Papa me donnait des roses, il avait peur que je dérape. La conseillère me dit que j'ai des capacités. Avertissement de conduite rarement félicité. La plus bonne de l'école me fait tourner la tête. Un mec m'attend à la sortie pour faire un tête à tête. Je faisais tout dans l'excès, adolescent complexé. Maman se fait du souci, regarde la rue en train de me piéger. J'ai cherché la paix dans le pavé. Je ferai la guerre pour construire à maman son palais. Je me demande oh, j'ai pas compris, faudrait m'expliquer. Je me demande oh, je me sens pas beau, je me sens détesté. Petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Écoute-moi petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Je souhaite à tout le monde de sortir du Tchex, moi. J'ai trop été collé au banc de la thèse. Dédié à tous nos amis disparus. Je suis pas comme tous ces rappeurs qui vénèrent la rue. Je me demande oh, oh, oh. Je me demande oh, oh, oh. Petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Écoute-moi petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Ça va aller, c'est un morceau de l'Algérino. C'est un beau morceau, ça, je trouve, sur la Monster Party. Invite à toi, tu qui aimes justement les chansons. Non, mais ça, les... moi, je kiffe l'Algé, ce qu'il fait. Je le connais depuis longtemps. À l'époque de Nixie, on avait travaillé ensemble, on a fait des concerts ensemble. C'est un mec super gentil. Et juste pour parler de lui, il a un vrai truc. Ce mec, il sait faire des mélos et en même temps, il rappe et il est très fort sur scène. Et il peut poser sur plein de trucs, c'est vrai, parce qu'on l'a entendu sur du trucs. Reggae, sur des. Sur... Ouais, je dirais que c'est populaire ce qu'il fait et il est capable de faire des trucs très larges. Donc, franchement, j'ai kiffé le morceau, ça, tu vois. Bah, écoute, belle signature aussi de Monstre Marin, l'Algérino. T'as vu ? Qui a rejoint l'équipe. Yes. Avant de se quitter, on va faire tourner la roulette. Maintenant, c'est parti. Skyrock offre le DVD Pompéi et plus d'une GoPro par jour. Vanessa de Cahors, ça va bien, Vanessa ? Ah bah écoute, ça va super bien, c'est un truc de dingue d'être avec vous ce soir. Et bah voilà, tu es avec nous Vanessa, la soirée spéciale fille continue dans ce Planète Rap. Bonsoir Vanessa. Vanessa, elle est de Cahors. Salut. Je te présente Vita et Amalia qui sont là avec nous. Enchantée les filles. Merci. De même. Aussi. Et puis vous, enfin, bravo pour votre carrière. Parce que Vita, après Amalia, j'espère que ça va décoller à fond. Bah, moi aussi, je vous souhaite. Merci. En tout cas, je t'apprécie beaucoup dans The Voice. Hein. Merci, mademoiselle, c'est très gentil. Ah, bah, tu avais suivi The Voice, tu vois. Bah, écoute. Hein. Et bah, écoute. Non, mais franchement, c'est une grosse émission et bah, ceux qui en font partie, c'est vraiment. Voilà, catégorie super costaud, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'on disait en début d'émission avec Vita. Voilà, c'est quand même pas l'émission la plus. Ouais, y a du niveau. La plus pétée des émissions, clair. Un petit peu comme ça. Et d'ailleurs, quand tu regardes The Voice, tu te dis, mais pourquoi dans les autres émissions c'est claqué? Non, franchement, moi, j'ai regardé une fois The Voice, j'ai vu des voix, j'ai dit, mais en France, il y a des gens qui chantent comme ça. Ouais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et dans les autres émissions, franchement, ils ne sont pas méchants, mais il n'y a pas le même niveau. Quoi. Toi, c'était. Enfin, c'est vrai que dans c'est sur Twitter, pardon, je voulais pas dire que les autres n'ont pas chanté. C'est vrai que dans les anges de la télé-réalité, c'est un autre niveau, quoi. Ouais. Voilà. Ou alors les ch'tis à Marseille, c'est encore un autre truc. Mais. Non, mais on parle des radios télécrochets, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais. Voilà. Et je trouve que dans The Voice, il y a des voix de quinri, quoi. Vraiment, moi, j'ai encaissé des trucs, j'étais pas prête. Toi, Amalia, c'était quoi l'inscription? C'était qui t'avais inscrite? C'est toi directement pour le faire? Non. Toujours ça, l'histoire. On est venu me chercher. Non, mais c'est vrai, franchement. On est venu me chercher. Non, en fait, je crois que la différence qu'il y a entre les autres télécrochets et The Voice, c'est que pour la première fois, il y a un télécrochet qui allait chercher des gens dont c'était déjà le métier. Avant, ils ne voulaient pas, en fait, tous les autres télécrochets évitaient d'aller chercher des gens qui étaient déjà dans la musique, etc. etc. Oui, c'est vrai que là, ils ont. Voilà, c'est ça. Et là, ils ont décidé d'élargir, et du coup, donc, il y a des gens comme moi qui. Bah oui, c'est vrai qu'il y a aussi quelques professionnels ou semi-professionnels, voilà, en tout cas, qui participaient au programme. Des gens qui bataillent déjà depuis un moment, quoi, pour. Bah écoute, tant mieux, on croise les doigts si ça peut aussi marcher pour toi et si c'était un révélateur ou un booster pour la suite. Vanessa. Merci beaucoup. Oui. Je reviens vers toi, tu chantes, tu vas les The Voice l'an prochain, non? On a des connexions si tu veux. Ah bah, écoute, moi je chante mais dans la voiture, donc c'est pas mal aussi. Voilà. C'est un bon début. C'est un très beau début donc. Tu vas me faire un joli stop en chantant, s'il te plaît. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi, peut-être GoPro. Ah ouais, hein, y a de l'aigu, hein. Vanessa. Oui. La totale, le DVD Pompéi et la GoPro, la petite caméra qui se fixe partout. Ah là là, c'est trop top. Et ben voilà. Franchement, c'est trop top. C'est pour toi. Je vais faire des trucs de dingue avec. Tu nous enverras les vidéos. Ça fait peur ce que tu dis. Fais attention. Tu enverras les vidéos. Alors j'ai deux noms pour toi. Il faut mettre X Gangs du label Monstre Marin et Aria qui vont réceptionner rue des Fossés Saint-Jacques, Paris 5e. Prochain concours, mise en place. C'est pour un prochain concours vidéo, ouais. C'est pour un prochain concours vidéo. Ok. Et bah profite bien en tout cas Vanessa. On fait plein de bisous. Passe une bonne soirée. Salut. Franchement, merci beaucoup. Gros bisous et continuez comme ça. Ciao, ciao, bisous. Merci à vous, les filles, en tout cas, pour cette soirée. Merci. T'as vu, c'est bien, c'est calme. Hein. Ah, c'est reposant. On n'a pas sali les murs, et toi. Merci à vous, en tout cas, d'être passé. On vous retrouve sur la belle Monstre Marin. On suivra ça à la rentrée. Merci beaucoup. Et puis, en attendant, il y a des titres inédits aussi qu'on peut retrouver de Vita et d'Amalia. Ouais, moi, je voulais juste remercier Letty qui m'a envoyé plein de messages de Nantes. Je te fais des bisous et merci pour tes messages. J'ai compris ce que tu m'as dit. Merci beaucoup. Voilà. Parce qu'elle m'a dit des trucs perso et tout. Ah oui, d'accord. Parce que tu me disais, nous, on n'a rien compris, mais c'est entre nous. Merci à vous, passez une bonne soirée. Merci Aria. Demain, on sera avec. Merci beaucoup. Surprise. Avec surprise. Alors, c'est la nouvelle signature. Demain, normalement, on dit le meilleur pour la fin. Franchement, le label au complet, je pense. Ouais. Hein. Le label au complet. Au complet. Au complet. Avec peut-être celui qui avec a monté le label. Avec un grand M. Très bien, ben on suivra ça demain entre 20 et 21. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Dit Foule est là, normalement, dit Ola. Oui, on écoute la radio à Donf. Attention, il y a une horde d'hommes qui vous attendent, les filles. Mais vous êtes où? Mais vous êtes où? Dans la rue, tranquille. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui ça roulait mal encore? C'est les Algériens, ils font la fête déjà, je crois. Ça roulait mal. À République, il y a un concert, ils ont tout bloqué. Il y a un mec qui est torse nu en short jaune. Dehors? Avec le drapeau de l'Algérie, c'est normal. Dehors. Eh bien, écoute, on va sortir par la porte de derrière. On va le laisser torse nu. Bah, il a plus envie que tu rentres par la porte de derrière, Fredo. Hein. Ah bah. Attention. Je crois que c'est toi qui l'attends. Hein. Eh bah, super. Bah, écoute, salut, tu le salueras de ma part. Je suis pas sûr de le croiser. Un mec torse nu avec un short jaune. Les autres sont là pour les filles. Qui m'attend, c'est un truc chelou. Bon, bah, on va prévenir la sécurité. Bon, bah, nous, on arrive. Salut, ciao, à toutes. Je ne t'entends pas, Fredo. Hein. Mais, c'est pratique. Samy, comment ça va? Ouais, écoute, ça va. Il y a Romano qui vient d'arriver là. Ouais, parfait. Ah bah, on est là, pépère. On a quatre mains pour appuyer sur un bouton. On va s'en sortir, gros. Quelle entrée. Difool en direct des couleurs, apparemment. Quelle entrée fracassante de Difool qui est là en train de rappeler le numéro de téléphone. Mais voilà. Tout seul, là, on n'entend plus rien, là. J'ai la horde d'hommes de Vita et des autres. La horde. Et là, je suis devant le studio Planète Rap. Ah. Bonjour. Ah, bah le voilà. Il fait son entrée, Difool. Ça va, les filles? Salut. C'est marrant, je viens aujourd'hui. Hein. Attends, décalé quand tu parles. Oui, je suis sur décalé. C'est assez. Attends, bonjour l'équipe. Comment ça va? Ça va, vous? En pleine forme? Ça va? Oui, ça va. Bonjour. Les gars, vous pouvez couper son portable, hein. Je dis ça dans l'autre studio parce qu'on entend en double. Bah, va te faire, on fait ce qu'on veut. Merci Romano. Non, attends, c'est ça, sérieux. Tiens, est-ce que tu veux calmer Romano deux secondes parce qu'il commence à se la raconter, il va se calmer. Qu'est-ce qui se passe, Romano? Non, mais je sais pas, Fred, il est toujours en train de gueuler. Bah oui, parce qu'on entendait une espèce de bruit. Bah, je trouvais que ça faisait des effets spéciaux, moi. Ah oui, bah, des effets spéciaux. C'est gentil de mettre des effets spéciaux sur ma voix, Romano. Bah oui. Ça fait plaisir. Mais quelle belle voix dans ce studio, Difool. Oui, parce que l'émission plus souvent ici. Je vais venir dans Planète Rap maintenant. Tu veux que je fasse un freestyle? Petit freestyle, ouais, vas-y direct. Petit freestyle. Demain. On garde le meilleur pour la fin, là. Waouh. Bon, ben Planète Rap, le retour demain. Bah, voilà. Je vois qu'il y a des guitares, il y a des filles. Je te présente Amalia. Bonjour Amalia. Enchantée. Bonjour. Et Vita, elle est là? Elle est là, elle est en train de parler. Vita passe son temps à parler, en fait. Ouais, mais bon, c'est des filles. Dès qu'elle a un instant, blablabla et blablabla. Ouais, mais c'est blablabla. C'est des filles. Et Aria, que je te présente aussi, regarde comme il est musclé. Bonjour Aria, oui. Ça va. Oui, je vois ça, oui. Son bras, c'est mes cuisses. Hein. Il va avoir peur du foule. Pour décrire un peu. Oh Marie, tiens. Bah oui, je suis là. Ah, t'es bien, toi, Marie, dans l'autre? Non, je suis dans notre studio, moi. Bon, ben moi, je vais me transférer dans le studio de la Radio Libre. Et que va-t-il se passer ce soir, Difool? Il y a l'Algérie ce L'Algérie, soir. L'Algérie, 1-2-3. 1-2-3, vive l'Algérie. Il y a les Belges aussi qui jouent ce soir. Il y a Momo comme il est content, regarde. Il est chaud, Momo. Il a son maillot. C'est mignon. Un seul but, la victoire, Momo. Très bon maillot. Momo, CRS. Comme... mecs, ils ont fait les t-shirts déjà d'entrée de jeu. Un seul but, la victoire. Et il y en a d'autres pour la victoire ou pas, Momo? Il y a un autre t-shirt qui est déjà imprimé. On suivra ça ce soir. Évidemment. évidemment. Donc si vous soutenez l'Algérie, si vous soutenez la Belgique, vous nous appelez, vous nous laissez vos messages. Ou les Russes. Ou les Russes. Là aussi, ouais. S'il y a deux, trois Russes qui sont dans le coin. Et les Coréens aussi, non? Bah oui. Vous nous appelez, on va faire un point sur le match, on va faire les pronostics d'ici quelques instants. Et puis grosse soirée, parce qu'on aura un invité mystère qui va nous rendre visite dans l'émission. Ouais. L'invité mystère, allez, je vous donne un petit indice. Invité, premier mystère, je ne vais pas vous donner son nom. Hein. Invité mystère sportif. Ah! Invité mystère sportif qui vient. Ça peut pas un mec de l'équipe de France parce que. Non. L'équipe de France, t'es pas loin. T'es pas loin, Fred. Donc on aura. Petite surprise pour vous, d'ici minuit, le problème du mois de Romano. Je pense que tu es prêt, tout excité, Romano. Ah bah j'en peux plus là. Il en peut plus. Bah, il sautille partout là. Bah oui. C'est jeudi soir. Et puis nous on arrive avec DJ Snake là tout de suite. La pub en speed, DJ Snake. Et puis demain, plein de trap à pas louper. Salut tout le monde. Ciao à toutes. Envie de mater la Coupe du Monde.